reste là, bras ballants, dans les balances piailles. Mets-moi déjà à l'heure. À étudier leur faille, que ferais-tu, gars, s'ils nous tuaient de leur demain? Quelle serait ton attitude si c'était demain? Tu restes là, bras ballants, dans les balances piailles. Mets-moi déjà à l'heure. À étudier leur faille, que ferais-tu, gars, s'ils nous tuaient de leur demain? Quelle serait ton attitude si c'était demain? Qui m'a dénoncé? Je voudrais savoir qui se cache derrière ces rideaux H. C'est la sentence est déjà prononcée sans appel. Sur simple appel, ma cage s'ouvre sûrement un bon pof cache. Sous là où je prêche ou la merde reine, là où les gars je crache ou la milice veut savoir à cache crèche ou j'ai mis la famille au vert, loin mis mon bandeau vert avec des versets. Pris le ciel à témoin, sûrement fallait s'y attendre avec les. Je les aime pas mais toi t'es pas pareil que les autres, font t'es un gars bien. Isolé c'est anodin mais mis bout à bout ça fait qu'un danger réalité devient. Y'avait trop de bamboula dans les bouches, trop de blocs sur les bougnoules et trop de F sur les pagnoles et dans l'air trop de joules. Aujourd'hui dans les collines sèches, moi et la garde, on inflige à ces cons des pertes sèches. Foulard palestinien sur la gueule, l'attaque se passe ils quand. On apparaît comme le Mujahid afghan pour la liberté, mais aussi pour le blason de mon côté, sûr de l'emporter. Je reste là, bras ballant, quand les balances piaillent. Mets-moi déjà à l'heure. À étudier leur faille, que ferais-tu, gars, si nous tuer de leur demain? Quelle serait ton attitude si c'était demain? Tu restes là, bras ballant, quand les balances piaillent. Mets-moi déjà à l'heure. À étudier leur faille, que ferais-tu, gars, si nous tuer de leur demain? Quelle serait ton attitude si c'était demain? Et si c'était demain, je continuerai à militer dans les bas-fonds, plus dans la chanson, mais sur un autre front. Aïe. Ce sera la pagaille durant cette bataille. Aïe, la racaille canaille poussera dans leur faille. Une force inimaginable. Ils diront que j'ai pété un câble. Instable, je suis mais je ne peux rester stable. Aimable, avec ceux qui racontent des fables. Aïs, les noirs et les arabes brandissent la flamme du F sous forme d'une bonne prêtresse. Dis-moi que ferais-tu si c'était demain? Achille, je jetterai tout mon dévolu s'expatrier. Non, comme l'a fait De Gaulle en laissant la Gaulle en pleine Gaulle sans jouer son rôle. Le résistant de la première heure, le militant qui milite sans cesse avec ardeur. Ne jettera pas l'éponge, mais fonce, n'y songe pas. Même dans tes songes, la clarté, la sincérité de mes propos font que si c'était demain, y'a pas photo. Tu restes là, bras ballants, quand les balances piaillent. Mets-moi déjà à l'heure. À étudier leur faille, que ferais-tu, gars, s'ils nous tuaient de leur demain? Quelle serait ton attitude si c'était demain? Tu restes là, bras ballants, quand les balances piaillent. Mets-moi déjà à l'heure. À étudier leur faille, que ferais-tu, gars, s'ils nous tuaient de leur demain? Quelle serait ton attitude si c'était demain? Tu restes là, bras ballants, quand les balances piaillent. Mets-moi déjà à l'heure. À étudier leur faille, que ferais-tu, gars, s'ils nous tuaient de leur demain? Quelle serait ton attitude si c'était demain? Tu restes là, fou.